Hop. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinale des bancons, on est bien réveillés, on est bien lunés, et on n'est plus que Chloé et moi aujourd'hui, exceptionnel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien nous avons un invité. Ah c'est pas un invité, c'est un collègue. Un collègue de radio qui fait sa première intervention dans la matinale, et qui va officier en tant que Laurent Baffy. Ouais. Si on peut expliquer un peu aux gens le concept. Ah bah on va peut-être le laisser se présenter et puis il va nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il entend faire avec nous ce matin. Dites-nous bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors il faut que je... Ouais. Je suis Douglas Wilson. Le fameux Douglas Wilson. Le serial blagueur. Ouais, du coup, Laurent Baffy, ouais, je sais pas si je suis d'accord avec l'appellation, mais en gros, j'ai essayé de ponctuer vos discours par des petites boutades et interventions pas très très toujours justifiées. Ouais, voilà, mais... Ça nous convient très bien. On est ravis. On est ravis, vraiment. Eh ben, tant de ravissements, enchaînons, si j'ai envie de dire. Alors, écoutez, des petites informations, comme tous les jours, hein, l'éphéméride. Donc, il est important quand même, en période de confinement, d'avoir un petit peu notion de quel jour on est, en fait, hein, d'avoir encore un peu, être un peu encore connecté avec le monde extérieur. Hein, il faut se laisser vivre, d'accord, mais faut pas déconner non plus, hein. Il faut quand même suivre un petit peu quel jour on est. Bon bref, nous sommes le mercredi 25 mars, c'est le milieu de la semaine. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la procrastination. Ouh. Alors, mot dur à dire pour finalement dire que en fait, bah, c'est juste pour se justifier qu'on a la flemme. Alors, bah, peut-être on aura la flemme à un moment donné et on écourtera cette émission. Bah, déjà, on a la flemme d'énormément la préparer, on va être honnête. Hein. C'est vrai qu'elle est pas préparée. Ouais, mais nous, typiquement, on est le genre de personne à lire la première page du manuel de kit de meuble IKEA, et puis après, le reste, on fait un truc dégueulasse qui tient pas droit c'est et vrai. Qui, au bout de 2 mois, se pète la gueule dans la cuisine avec tous les bouquins qui se retrouvent par terre, et puis t'es comme un con, puis t'as ta coloc qui est là. Mais qu'est-ce que t'as fait, Kevin? Mais t'es vraiment. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, journée mondiale à la procrastination. Donc si jamais à un moment donné vous avez la flemme, et ben c'est normal, vous pourrez vous justifier sur le fait que c'est la journée mondiale à la procrastination. Les gens sont très très en forme hein, sur le Discord. Ouais. Je sais pas si vous y êtes ou pas, mais allez-y, allez y faire un tour. Les réactions sont. C'est le chat de la radio. C'est incroyable. Tout le monde peut y participer. C'est une grosse mêlée de blagues de merde. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Lourd sujet. Je vous conseille d'aller visiter le mémorial à Nantes. Puisque bah, pas en ce moment. Bah non, pas en ce moment, mais... Pardon, Douglas ? Jour de fête à Nantes et Bordeaux. Allez, c'est parti, on démarre fort. Je pensais pas que vous auriez le courage de faire une blague sur ce sujet, mon cher Douglas. Ah non, d'habitude, c'est mon assistant qui l'a fait. Nous souhaitons une très bonne fête aujourd'hui aux Hermelins et aux Évangélines. Oh la vache. Sauf Évangéline Lily, bien sûr, hein, qui en a complètement rien à foutre du confinement, mais qui a peur et avec raison que les politiques en profitent pour nous niquer la gueule. Voilà, je sais pas si vous avez vu cette info tournée, mais Évangéline Lily, elle est un peu... Mais déjà, c'est qui le confinement. Evangeline Lilly, c'était la nana qui jouait Kate dans Lost. Waouh, ok. Voilà, je sais pas si vous vous remettez. Mais alors, j'ai envie de dire, Hermelin et Evangeline, bah, leur fête, c'est un peu tous les jours avec des noms pareils. Hein. Et attends, parce que sur la page Wikipédia, il y a aussi la fête des Procop. Donc, je sais pas si c'est un nom spécialement répandu dans la police. Ou chez les proctologues. Voilà, cette émission, elle va être difficile. À Alors, on en est à la troisième phrase d'éphéméride de Chloé. On va aller loin, je pense. Alors, en plus, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont passées en 25 mars. J'espère que t'as pris les trucs les plus denses pour le début, sinon on a vraiment pas fini. Le 25 mars 1581, on fêtait pour la dernière fois le Nouvel An. À l'époque, c'était célébré ce jour-là. Donc, le 25 mars 1581, on célébrait pour la dernière fois ce jour le Nouvel An. Le 25 mars 1896 également, c'est l'ouverture des premiers JO modernes, donc à l'initiative du baron français Pierre de Coubertin. Ces premiers jeux ont été organisés à Athènes en mémoire de la tradition antique. Et c'est un peu cocasse de se dire que, bah, au même moment, pratiquement à un jour près, bah, on reporte les JO de cette année. Voilà. Oui, coïncidence de merde, j'ai envie de dire. Exactement. Le 25 mars 2001, bon alors ça c'est une petite information comme ça, hein, vous en faites ce que vous voulez, c'était l'élection de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. Voilà. niveau culture, le 25 mars 1985, grand moment, hein, très très très grand moment pour le cinéma, le film Amadeus du réalisateur Miloš Forman rafle 8 Oscars, dont meilleur acteur pour F. Murray Abraham, meilleur film, meilleur réel. Alors, si vous n'avez pas déjà vu ce film, je vous conseille d'y aller, mais à pleine balle, de mater ce film pendant le confinement. J'ai voulu vous passer un extrait de ce film, mais j'ai pas trouvé lequel mettre tellement j'aime ce film à la folie. J'avais envie de vous mettre tout le film. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une histoire librement inspirée de la vie de Mozart, avec une espèce de dualité, si vous voulez, entre deux compositeurs, que sont Antonio Salieri, compositeur de la cour, et Amadeus, Wolfgang Amadeus Mozart, qu'on ne présente plus. C'est un peu le clash Boubarov, quoi, finalement. C'est l'octogone version salon autrichien, en effet. Si je peux me permettre, c'est aussi un film hommage à ma maman quand elle fait mon lit, Amadeus. Oh non! Oh non! Oh non! Vous pouvez pas sur Amadeus! Elle est magnifique, elle est magnifique! Incroyable! Elle est incroyable! Et on nous dit qu'on entend Malo derrière nous. Oui, alors Malo, le chat de Chloé, miaule à la mort derrière la porte. Mais on a eu le malheur de la faire rentrer dans le studio hier, et en 30 secondes, elle a réussi à renverser une tasse de thé qui était tout près d'un ordi, de shooter le micro. Donc elle est désormais interdite studio de 10h à 11h. Et c'est aussi parce que dans la chambre dans laquelle on est, il y a un Velux, et elle sort en fait par le Velux. Elle n'a pas le droit d'aller dehors, car c'est un petit chat fragile. Pour continuer dans l'éphéméride, hein, dans la tradition chrétienne, il y a plusieurs événements importants qui se seraient passés le 25 mars. Alors on a l'Annonciation, on a la mort des apôtres Pierre et Jacques, la chute d'Adam. Et Paul, il est encore en vie, lui? Ah, j'en ai aucune idée. Pierre, Paul, Jacques, enfin... Mais c'est d'avoir Damien, ça me donne envie de faire des jeux de mots partout, là. Et enfin, le 25 mars, on a également apparemment le meurtre d'Abel Parker. Alors, qu'en pense Fanny Ardant? Ce que Fanny Ardant peut nous expliquer? On va lui demander, on va lui demander tout de suite. Je me rappelle qu'au début de la Bible, il y a eu une compétition devant Dieu entre Caïn et Abel. Et ça a mal tourné. Voilà, ça a mal tourné, comme elle dit. Geste fort. Merci. Ensuite. Fanny Ardant. Alors le 25 mars 1949, c'était également l'apparition du premier numéro de Paris Match. Alors vraiment merci Paris Match, parce que qu'est-ce qu'on ferait sans vous dans les salles d'attente du docteur? Ouais, et d'ailleurs on pense à eux, on pense à Paris Match, notamment pour tous les gens qui n'ont pas acheté assez de PQ pour survivre au confinement. Pensez Paris Match. D'ailleurs chez mes médecins, c'est toujours le même numéro qui est disponible. Et ils parlent de quoi? Bah, je sais pas, hein. Moi je vais jamais chez le médecin, mais je sais que c'est toujours le même. Des anniversaires peut-être. Alors on passe aux anniversaires. Donc aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de... Si vous êtes né le 25 mars, vous partagez votre anniversaire avec Simone Signoret. Mais elle ne le savait pas. Avec Sir Elton John. Ah, je savais pas qu'ils étaient convertis. sur Elton John. Alors malheureusement, on va pas vous passer une chanson d'Elton John parce que, bah, parce qu'on a dû faire des choix hein, dans la programmation. Mais vous inquiétez pas, pour les fans d'Elton, on vous repassera une petite chanson de lui incessamment sous peu. C'est également aujourd'hui l'anniversaire de Sarah Jessica Parker, hein, qui faisait Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Et aussi l'anniversaire de Bernard de la Villardière. Alors, est-ce que vous savez qui c'est Bernard de la Villardière? Non, moi je sais pas. Un petit exemple de Bernard de la Villardière? Bah, moi, si vous voulez, alors récemment, j'ai entendu parler d'un petit reportage sur la jeunesse spoliée d'Aix-en-Provence. Donc, je parle d'Aix-en-Provence parce que c'est ma ville. Hein. Ah. Et donc, ça donne à peu près ça. Aix-en-Provence. Jeudi soir, la jeunesse a envie de se déglinguer la gueule. Je vais partir avec eux pour voir ce qu'il en est vraiment. Salut, t'aurais pas de la coke? Si, oui, j'en ai. Ça donne à peu près ça. Magnifique, magnifique. Incroyable, j'ai vraiment cru que c'était Bernard. Je pense vraiment que vous allez avoir un César l'année prochaine. Un set d'or. En plus, j'ai entendu parler de vos affaires d'attouchement sur des mineurs, donc a priori, vous êtes en bonne voie. Yes. Et donc pour finir cette éphéméride, aujourd'hui 25 mars, c'est l'anniversaire de la Queen, hein, Aretha Franklin. Et on va s'en faire péter un petit avec You Make Me Feel. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. When I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to exactement 10h14 et bah écoutez, nous avons pris notre petit téléphone pour appeler l'invité de la journée. Alors je vous invite à lui poser vos questions sur le chat de la radio, le Discord. Bonjour invité, pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Comment vous appelez-vous? Où êtes-vous confiné? Bonjour, moi je m'appelle Louise, Louise Rigolier pour ceux qui me connaissent hein, peut-être. Je suis à Nantes, je suis dans mon appartement ce matin et depuis quand même maintenant un certain nombre de matins et après-midi et soir, je reste chez moi. Comme vous tous, ce que je fais, c'est que bah, en ce moment, je télétravaille. Enfin, sauf là maintenant parce que je suis à la radio, mais sinon, je télétravaille. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire voilà. Ce que vous faites comme travail exactement, Louise? Eh bien, je travaille à la ville de Nantes et Nantes Métropole, dans la participation citoyenne. Et là, pendant du coup cette période, j'aide un peu sur tout ce qui est organisation de l'entraide. À Nantes, voilà. C'est beau, bravo, merci d'être parmi nous, merci de faire ce que vous faites au niveau de l'entraide, c'est super cool, pendant que nous, on peut être bien au chaud chez nous. Louise, on va parler de votre morning routine, est-ce que votre morning routine est différente depuis le début du confinement? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous levez le matin, vous mettez les deux pieds le matin, commencez la journée comme ça, est-ce que déjà vous êtes quelqu'un du matin? Normalement, je suis vraiment pas quelqu'un du matin, et là, bizarrement, je me lève super tôt, même le week-end. Alors, vu que je télétravaille, je suis tentée d'être devant mon ordinateur à 9h, donc ça ne change pas, mais je me lève beaucoup plus tôt et je me fais du café, sachant que d'habitude, jamais. Donc là, j'ai fait un énorme stock, enfin, c'est-à-dire pas énorme, hein, mais pas mal quand même. En termes de morning routine, pour être bien, je fais un peu de sport le matin avec grâce à des applications diverses et variées. Je suis en train de tester là, cette première semaine et demie un peu tout ce qu'on peut faire. Alors si vous voulez faire du sport, on vous conseille le Bon Con Fitness, hein, l'émission de notre très cher Douglas Wilson. Hein. Il a fait toute une petite session sport, on vous la conseille, on vous l'enverra. Il y en aura bientôt une deuxième. Oh ! On attend ça avec impatience. Moi aussi. Donc vous faites du sport, et c'est pas trop compliqué dans votre appartement de faire du sport, parce que je rappelle aux éditeurs, elle est confinée en appartement. Oui, confinée en appartement, j'ai la chance d'avoir un balcon, donc quand il fait beau, je peux faire un peu sur mon balcon, sinon je pousse les meubles et ça marche bien. J'ai mis un tapis, comme ça je peux faire du yoga, ça c'est très bien, sachant que je faisais pas de yoga avant, mais maintenant j'adore en fait. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de Nantes à nous communiquer? Est-ce que les gens respectent le confinement à Nantes, ou est-ce que vous voyez encore des gens se balader? Je dis ça parce que vous êtes surtout proche d'un coin assez touristique de la ville. Est-ce que oui, vous voyez ça, moi, des gens? J'habite juste à côté donc de l'éléphant, donc à côté des machines de Lille. Moi, vu que je sors pas beaucoup du tout, je sais pas trop ce qui se passe dehors. En fait, il pourrait très bien avoir plein de gens et que tout soit fini, ou personne, j'en sais rien, mais ce que je sais, des gens qui sortent à Nantes, ça a l'air d'être plutôt bien respecté. Enfin, quoique, il y a quand même eu les quais qui ont été interdits hein, au public dernièrement, les derniers jours. La police est très présente, j'entends quand même les sirènes assez régulièrement. Mais voilà, enfin toutes les personnes que je connais restent bien chez elles, même si beaucoup vont quand même faire leurs petits achats, le marché, les trucs comme ça. D'accord, merci Louise pour tous ces renseignements précieux. Qu'est-ce qu'il raconte ça, on a une question de Souko Soulard pour vous. Elle demande, elle ne mange rien avec son café? Non, je mange rien, quoique ce matin j'ai fait une petite... En fait, j'essaye quand même de pas trop manger, parce que vu que je ne bouge pas beaucoup, j'essaye de faire en sorte d'éviter de manger comme d'habitude. Donc je sais pas trop exactement comment faire en ce moment pour réduire le nombre de calories liées au nombre de pas que je fais dans la journée finalement. Mais j'ai quand même mangé du fromage ce matin. Ah oui, d'accord. Alors, on a une question de Nini qui nous demande... Alors, c'est des questions très précises. Nos auditeurs veulent vraiment du détail. Hein. Elle nous demande café au piston, café italien, café expresso? Alors, c'est un café au piston. D'ailleurs, le café, c'est un très bon café qu'on m'a offert il y a peu de temps, qui vient de Colombie. Oh, de la plantation Macao, voilà, avec une alors sa saveur est suave et fruitée, avec des arrière-goûts de pamplemousse fraise et sous-bois. Voilà. Ouais, c'est souvent ce qu'on dit de moi aussi, hein, suave et fruité avec goût de pamplemousse. Hein. Ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Le café au piston, vous l'avez. Oui, vas-y, recommence, Damien. Ouais. Le café au piston, vous l'avez connu grâce à un frère, une sœur ou une mère? J'ai pas entendu le début de la question. Le café au piston, tu l'as connu par un frère, une sœur, une mère? Comment je l'ai connu? Elle a pas compris la blague. C'était une petite blague de monsieur Douglas Wilson. Mais elle a le droit de répondre à la question quand même, c'est très intéressant. Qui vous l'a offert ce café? Trop, c'est... Matin, j'ai pas beaucoup bu de café encore. C'est quoi encore, qui vous a offert ce café colombien? Qui vous a offert ce café colombien? Ça nous intéresse, nous on veut les bons plans. Qui l'a offert? Ouais. Non, c'est mes beaux-parents. Oh. Eh oui. Un beau cadeau. À Noël, donc en fait, il y a peut-être plus beaucoup de goût, donc. Alors il y a quand même suave et fruité, hein, donc. Ah non, c'est Kéman, il aime bien cette expression, je crois. Suave, ça me fait mal. Ça fait penser à suavemente, besame. Alors on a une autre question de Madame Mona qui nous demande quid de la cure de sébum. La cure de sébum. Voilà, est-ce que vous faites une cure de sébum? C'est-à-dire que vous vous lavez pas les cheveux? Oui, je me lave pas les cheveux. Bah, qu'on soit d'accord, je me lave beaucoup moins qu'avant. Hein. Mais est-ce que vous en profitez de cette petite confinement pour vous faire du bien vous-même en faisant des masques? Ouais, il faut préciser, en faisant des masques. En prenant soin de vous, quoi. Je me fais des petits masques à l'huile de coco sur les cheveux que je peux garder du coup très longtemps. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, j'essaye d'espacer les shampoings pour me dire que au retour à la normale, s'il y a un retour à la normale, et ben je pourrais avoir des cheveux magnifiques pendant plusieurs jours d'affilée sans jamais me les laver. Alors une question sur le chat, Douglas, hein, qui nous demande comment va son frère Léo et par extension sa famille? Eh ben, Léo va bien, il est confiné à Oudon avec nos parents et un ami Julien. Ils sont tous les quatre plutôt pas mal, je pense. Il fait beau, ils ont un jardin, donc ça fait... Ils doivent manger de la pizza très très bonne en plus. Voilà, ils mangent certainement de la pizza très très bonne. Nous, moi aussi j'essaye de temps en temps de faire de la pizza très très bonne, mais je sais pas si j'arrive à haut niveau. Ouais. Et ma famille va bien. Tout le monde est confiné chez soi. Tout le monde discute. J'ai organisé dimanche matin un petit déjeuner collectif par Skype. C'était très sympa. Où on prenait tous le café ensemble. On avait acheté des croissants. Et voilà, à distance, mais ensemble. C'est à la fois très joyeux et en même temps un peu triste, mais... Mais c'est une très bonne idée, ça, dis donc, Madame Louise. C'est vrai qu'on pense toujours à picoler, Skype, ouais. À picoler par Skype, à se droguer par Skype, peut-être à se taper des putes par Skype, mais personne ne pense à prendre le petit déjeuner mais par c'est Skype, vrai, alors c'est un moment, bah oui. Un moment de réconfort. C'est ça, samedi soir, je faisais la fête, je chantais par Skype, et le dimanche matin, bien. Et Damien, excusez-moi, Damien, vous vouliez commenter, excusez-moi, on a peut-être pas bien entendu pour nos auditeurs. J'ai dit peut-être qu'il picole le matin aussi. Ouais, c'est pas faux. Ah oui. C'est vrai. C'est possible. Ah, Irish Coffee peut-être au petit déjeuner, Louise. Voilà. Allô. On a perdu Louise. On perd la connexion. Non, vous m'entendez? Ah, oui. Un petit Irish Coffee au petit déj peut-être, je sais pas. Pardon, j'ai pas entendu. C'est moi qui ai pas entendu. Oh merde. Allez, refais ta blague, Kéman. Alors, sincèrement, je le fais juste pour pas qu'il y ait de quiproquo, mais je suis pas certain que ce soit le genre de blague qui se répète une troisième fois. J'étais même pas sûr que la première fois c'était une bonne idée, mais bon, allons jusqu'au bout des choses. Vous êtes du genre Irish Coffee au petit déjeuner, Louise? Oui, effectivement, c'est pas forcément la blague à répéter. Bon, bah voilà. Désormais, je vais fermer ma gueule jusqu'au prochain morceau. Voilà. Alors, on va pas tarder à vous laisser. On a laissé le temps aux gens de nous poser les dernières questions s'ils ont envie de le poser. On a une question de Souko Soulard qui nous dit: une lecture à nous conseiller pendant cette période de confinement, Louise? Alors il faut que je retrouve le nom, mais l'un de mes livres préférés que j'ai lu en 2019, mais qui s'applique totalement à notre situation et qui est plutôt plein d'espoir, c'est Dans la forêt de... Les scopes. Non, de Jean Egland, donc Jean comme un jean, et Egland, H-E-G-L-A-N-D. C'est l'histoire en fait de deux sœurs qui sont dans une maison de famille au milieu de la forêt aux États-Unis, et en fait la société autour finit par... on comprend qu'elle est en difficulté et que finit par... complètement s'écrouler, on ne sait pas trop pourquoi, elles-mêmes sont isolées et elles organisent leur propre vie à toutes les deux, et peut-être avec d'autres, dans cette forêt, et comment elles changent leurs habitudes pour arriver à un mode de vie complètement différent. Et c'est donc un livre épistolaire, enfin épistolaire plutôt sous forme de journal intime, c'est très très bien. Eh bien voilà. Écoutez, on note, merci de vos conseils, n'hésitez pas... N'hésitez pas, alors je le dis pour vous, mais je le dis aussi pour tous nos auditeurs, si vous avez envie de faire une chronique, si vous avez envie de faire une chronique, hein, Louise ou les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas, hein, enregistrez-vous et envoyez-nous le vocal, hein, sur la radio des Boncons, on vous transmettra le mail, hein, par message si vous nous écrivez via Facebook par exemple, ou via Instagram, ou via Discord, comme vous voulez. Enfin voilà, en tout cas, si vous avez envie de faire une petite chronique, n'hésitez pas, c'est une radio participative. Eh ben, on va s'envoyer du son. On vous garde en ligne, Louise, pour des éventuelles dernières questions en retour de musique. Mais on va s'écouter un petit morceau de Terry Moïse, ça s'appelle Les Poèmes de Michel. Si vous allez sur le site de la radio, il se peut que vous voyez comme titre Les Pommes de Michel. Il y a une faute de frappe dans la bataille, je sais pas si c'est vous, Chloé, ou si c'est... Mais ce sont bien les poèmes de Michel et non les pommes de Michel. Voilà, on vous laisse écouter ça. Profitez bien. Qu'il devienne colombe. poème de Michel, les enfants des ailes, pour voler, voler, voler. Quand la nuit tombe, qu'ils deviennent colombes, pour rêver, rêver. Dans les poèmes de Michel, les enfants des ailes. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Vous êtes toujours sur la matinale de la radio des bons cons. Je suis toujours accompagnée de Kéman et de Doug. Et nous avons toujours au téléphone Louise. Alors Louise, on va pas tarder à vous laisser. On va vous laisser repartir à votre télétravail. Juste pour finir, on avait une petite question. Enfin, Madame Mona qui nous dit « Ça fait longtemps que les gens n'ont pas raconté de rêves. » En effet, c'est vrai, ça fait longtemps. Alors est-ce que vous, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous souvenir de vos rêves? Et si oui... Vous nous raconter celui d'hier soir? Alors oui, je me souviens bien de mes rêves. Je rêve vraiment beaucoup toutes les nuits. J'ai l'impression de faire des vies supplémentaires dans mes rêves. Parfois c'est agréable, parfois c'est un peu fatigant. Donc dans mon rêve, alors je sais plus si c'était hier soir ou la nuit d'avant, je rêve, ça m'arrive assez souvent de rêver en fait d'une forme de marée qui monte. Alors là, en l'occurrence, j'étais à la plage avec toute ma famille, des amis, où on avait sorti absolument tout, un pique-nique géant. C'était une plage assez classique avec des sortes de falaises qui s'accumulaient derrière. Et juste le temps de discuter et de me retourner, je vois une énorme vague qui arrive face au marée qui monte, au tsunami, et donc à peine le temps de ramasser tout et garder tout dans les mains, et il y a tout qui s'échappe au fur et à mesure que je grimpe les falaises et que je fais attention à ce que tout le monde fasse de même, et voilà, et on arrive en haut, et là je me réveille. Ah waouh, On demandera à nos spécialistes d'analyser ce rêve, et on viendra vers vous. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos rêves, hein, les auditeurs. Nous, ça nous plaît bien, on aime bien. Faut nous envoyer du rêve, les auditeurs. Il faut nous envoyer du rêve. Du rêve. Merci Louise d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec c'était nous. C'était super. Continuez mon travail, c'est hyper bien. merci. On mais t'embrasse. Pour être honnête, on travaille pas des masses non plus. Hein. On t'embrasse très fort. Fais attention à toi, à tes proches. À très vite. Hasta luego. Bisous. Eh ben, ouais. Oui, j'allais dire, si vous voulez passer à la matinale, bah, n'hésitez pas à nous dire moi, et puis à nous balancer votre 06. Vous pouvez nous contacter par Facebook, par Insta, moi par Tinder, le gros beau gosse du 4x4. voilà. N'hésitez pas. Alors, je pense que c'est l'heure pour Kéman de nous faire sa petite chronique habituelle. Ouais, on peut peut-être juste avant de faire la chronique musique, prendre la température du côté de Aix-en-Provence à la mi-émission. Comment vous vous sentez, Douglas? Ça va plutôt bien. Ah, on vous entend de loin là, vous pouvez rebouger votre GSM de... Voilà, c'est bien là, nickel. Il fait froid, mais il fait très très beau. Ok, d'accord. Ouais. Ok, et en termes de température interne, corporelle, comment vous le sentez, vous? La température au niveau des aisselles, on est sur un 36,5, et au niveau de... Vous savez où? Voilà. Sur un bon... C'est marrant parce que le volume est parti juste au moment où vous disiez quelque chose de grivois, c'est peut-être... Non, j'ai pas dit le mot, j'ai été respectueux. Ah, là, c'est bien. On est sur un 37,6 au niveau du cul, quoi. Voilà, et voilà. Donc c'est un individu très premier degré, ce Doug. Hein. 37,5 j'ai dit. Mon dieu. Eh bien, enchaînons tout de suite avec une chronique musicale. Vous connaissez, voilà, tous les jours, j'essaie de vous parler d'un groupe ou d'un style ou de... Enfin bref, je vous parle de musique tout simplement parce que j'aime la musique, parce que la musique n'est qu'amour, la musique n'est que échange, communication, n'est que émotion et c'est ce qui nous fait vibrer tous. Wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? D'où qu'on est en train de vous perdre? Doug ? Ah ouais, on l'a perdu. Doug ? Bon, on va essayer de... Est-ce que Chloé, vous pouvez essayer de... Ah, Douglas ? Mais il est toujours en ligne, hein, mais on est plus... on l'entend plus. Bon, on a un problème technique avec Doug, mais bon, continuons... Je vais continuer ma chronique musique, et puis on va essayer de le revoir entre-temps. C'était mon happening. Agressif comme happening. Ouais, désolé. Pas de soucis, pas de soucis. Hein. On fait avec les problèmes techniques, voilà, la technique, le câblage et tout ce qu'il y a qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire parfois des briques et des brocs, quoi. Hein. Donc, je vais parler, moi, aujourd'hui, de Mac DeMarco. Donc, c'est un artiste que j'adore, voilà, que je trouve assez impressionnant et dont j'ai appris beaucoup dans les techniques d'enregistrement. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ce mec, c'est ce genre de gros hipster, hein, pour les gens qui veulent dénigrer un peu ce genre de look, mais voilà, la petite casquette, la chemise à carreaux pas lavée depuis 2 semaines, la barbe de 3 jours, une clope dans la main gauche et une grosse binge dans la main droite, et une guitare complètement délabrée qui pend en bandoulière. Donc, voilà, Mac DeMarco, c'est un mec qui a d'abord commencé, qui a fait plein de petites galères, de petits boulots, qui a eu plusieurs groupes et qui a commencé avec un premier album un peu court qui s'appelle Rock'n'Roll Nightclub, qui est sorti chez le label new-yorkais Capture Track. Donc il nous a posé avec ce premier album un univers un peu chelou, hein, avec voilà, donc c'est, il a un tricks qu'il refait régulièrement, c'est un musicien qui enregistre avec des bandes, donc il fait pas d'ordinateur, pas de Ableton. Il enregistre dans des vieilles bandes, des vieux magnétophones, vous savez, ce genre de gros magnétophones qu'on peut voir dans les films de profilage et tout ça, quand ils enregistrent le mec un peu chelou en tôle, voilà. Et ben, il enregistre avec des gros magnétophones et après il ralentit la vitesse des bandes, ce qui donne cet effet de voix qui ralentit donc je... Voilà, ce qui donne un petit peu un cachet, ouais c'est une super, hein, j'ai travaillé ça pendant des heures hier soir... voilà, donc il a ça fait un effet bizarre. Ce premier album est un peu barré parce qu'on a tout cet effet de distorsion, de bande ralentie. Du coup, il y a des espèces de notes un peu faussées et en même temps de voix pas naturelles. C'est quelque chose de particulier, mais ça a attiré l'attention de son label qui lui a dit bon, bah maintenant lance-toi sur un vrai premier album. Son premier album, enfin, album complet qui s'appelle 2, parce que voilà, c'est son deuxième album. Et il a, avec cet album-là qu'il a commencé à vraiment se faire connaître, on va commencer tout de suite avec un extrait de cet album 2 qui s'appelle My Kind of Woman. Attention, ça part. You're mine, mine, Et voilà, c'était My Kind of Woman de Mac DeMarco. Donc on est sur son deuxième album, qui est son premier album long format, on va dire. Donc voilà, Mac DeMarco, c'est quelqu'un qui aime le DIY, l'enregistrer à la maison. Voilà, c'est quelqu'un qui fait tout le temps du home studio. Voilà, partout il a emménagé, partout il a toujours enregistré lui-même, parce que c'est quelqu'un déjà qui fait de la guitare, de la basse, du synthé et qui est batteur. Bon, il joue pas. C'est pas un super héros, un guitar héros, un putain de batteur, voilà. Mais il sait jouer tout suffisamment pour faire ses propres tracks et les mixer lui-même. Donc voilà, c'est ça qui est aussi impressionnant avec Mac DeMarco, c'est son côté touche à tout et super bricoleur. Alors il a un trick, c'est un très particulier. J'ai expliqué ça justement à Chloé hier soir. Ouais, ça, il me fascine un peu. Il a ce côté hyper enjoué, joyeux sur beaucoup de ses couplets. Vous verrez souvent des accords majeurs, des petites montées à la bonne humeur. Et d'un coup, le refrain amène une mélancolie. Les accords passent en mineur. On a quelque chose de plus triste. Et c'est un peu ce qui fait le charme de Mac DeMarco. C'est son côté très joyeux, clownesque. Hein, si vous regardez des lives de lui, des interviews, c'est quelqu'un qui fait tout le temps le clown, qui fait tout le temps le con. Mais ses refrains un peu mélancoliques rappellent que bah, c'est probablement une espèce de carapace pour cacher quelque chose de plus triste chez lui. Pour l'avoir vu plusieurs fois en concert, alors j'ai vu des concerts de lui vraiment hyper joyeux, où ça danse à fond, le public est méga chaud patate. Et je l'ai également vu en concert à Nantes en fin de tournée, et là pour le coup c'était la déchéance, quoi. Le mec complètement bourré, extrêmement triste et dépressif, qui lance à qui veut l'entendre en alpaguant Dieu, en regardant les cieux, en disant « Mais pourquoi tu m'as mis au monde? J'ai pas demandé à être sur cette terre !» Voilà, donc avec la moitié du public qui se marre parce qu'il pense encore que Mac DeMarco est dans son personnage, et l'autre moitié qui est un peu en mode « Oh là, c'est chelou ce qui se passe là !» Donc voilà, il a ce côté un peu... Enfin, voilà, ça, on peut avoir des concerts où ils vont faire des grosses blagues, des reprises hyper marrantes, voilà, et passer un moment, et d'autres où ils vrillent un peu, ils font des blagues mais beaucoup trop lourdes, qui durent trois plombes, ils passent 5 minutes à parler entre les morceaux, ils arrivent pas à se mettre d'accord entre les musiciens pour savoir quel morceau suivant ils vont jouer, enfin, c'est un peu qui tout double, hein, parce que voilà, Mac DeMarco est un alcoolique aussi, voilà, comme beaucoup de gens dans la musique, comme ça se fait souvent dans ce milieu. Et donc, il a des phases up et down. On peut voir, on peut retrouver, si vous regardez Primavera 2018, la fin du concert, il finit en caleçon, sur son ampli de guitare, à faire, je sais pas, une espèce d'imitation de poule ou d'aigle. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut se pousser très loin dans son personnage ou peut-être dans ses propres retranchements identitaires. Et c'est ça qui est intriguant aussi chez Mac DeMarco, c'est ce côté clown, mais la vraie fêlure qu'on sent au fond de lui. Et du coup, je vais vous passer un autre extrait hein, pour que vous sentiez un peu cette fêlure. Cette fois, on est sur l'album suivant qui s'appelle Salad Days, qui est mon préféré. Si vous avez 35 minutes devant vous, là, que vous posez dans l'herbe, peut-être avec un petit pétard ou même juste avec une nonchalance et une joie de vivre qui vous est propre. Mettez-vous tout le monde n'a pas ce privilège en ce moment. Hein. Ah oui, bah le balcon ou alors la tête sous le Velux éventuellement. Oui, ça passe. Voilà, et bah vous écoutez Salad Days de Mac DeMarco qui est un très bon album qui est annonciateur des beaux jours. Allez, c'est parti, on va s'écouter Blue Boy qui est le deuxième morceau de cet album qui incarne bien ce côté couplet joyeux, refrain mélancolique. Worried by the world's eyes, worried voilà, c'était Blue Boy de Mac DeMarco. Donc voilà sur le personnage de Mac DeMarco, un petit peu bittersweet hein, dans sa façon de faire de la musique. Ça reste néanmoins un artiste assez impressionnant, et donc il a sorti, après Salad Days, il a sorti un album qui s'appelle This Old Dog, où là d'un coup on rentre dans l'introspection. Avant on était sur des paroles un peu naïves, qui poussaient un peu à faire la fête, qui poussaient à... voilà, c'était de la musique un peu d'insouciance, et on voit bien qu'au fil des albums il se rapproche un petit peu plus près d'une sincérité. Il a écrit l'album This Old Dog, avec des chansons notamment où il parle de sa relation avec son père, qui s'occupe pas tellement de lui, hein, qui a fui le foyer familial très tôt, et voilà, il parle un petit peu du fait que de sa relation un peu particulière, où finalement maintenant il attend plus grand chose de lui, tout en montrant un peu sa souffrance. Enfin voilà, c'est l'album de la maturité, comme on dit finalement. désolé. Je m'étais juré de pas dire cette phrase, mais faut croire que... Bah, voilà, on arrive dans une sincérité, et c'est un très bon album. This Old Dog aussi, magnifique, où là on commence à arriver vers d'autres textures, beaucoup plus de guitare acoustique, et Mac DeMarco a moins envie de faire danser les gens peut-être ou sautiller. Là on arrive dans quelque chose de plus mélancolique, plus chill encore. Et du coup, en 2019, il a sorti un dernier album. Cette fois, il s'est affranchi de Capture Track, qui est, bon, si vous aimez le rock indé nord-américain, écoutez les artistes du label Captured Track. C'est de la folie, et on a plein de groupes de surf, Beach Fossils, Wild Nothing pour les connaisseurs. Et ben cette année, en 2019, Mac DeMarco s'est affranchi de ce label et a monté son propre label pour sortir son cinquième album, Here Come the Cowboy. Voilà, pourquoi pas. Est-ce que le verbe affranchi fait écho à la journée de l'esclavage? Oh putain. Oui, heureusement que c'est pas la journée de la poste, hein. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur les jeux de mots, on a reçu un petit message d'Hubert Félix Typhon sur le chat qui nous dit « Bonjour la matinale, est-ce que vous pensez que quand Mac DeMarco va au fast-food, il commande un Big Mac de McDo ?» Bon, on aimerait beaucoup vous avoir à l'antenne aussi, Hubert Félix Typhon, mais malheureusement, on va pas pouvoir avoir 36 000 serial blagueurs, mais j'apprécie la... Mais envoyez-nous vos jeux de mots, nous sommes très très friands. Ouais. Friand chèvre, friand fromage, comme Danny. Ou friand saucisse. Ah d'accord, moi j'étais plus sur Danny Friand, mais... Ouh. Qu'est-ce qu'on se marre. J'annonce, c'est mon émission préférée depuis le début de toutes nos émissions. Comme quoi, il suffisait d'un signe, un matin. Merci, j'attendais justement cette réponse, magnifique. Vous faites super bien le signe. Ouais, je sais. Mac DeMarco, avant de s'écouter un dernier extrait plus mélancolique, je vais continuer de vous dresser un peu le personnage. Voilà, moi ce qui me fascine chez lui, c'est son côté aussi bricolage. Avec pas grand chose, il peut faire des chansons hyper belles. On est sur du minimalisme. Il va à l'essentiel, et pour info, voilà, il a fait quand même 3 albums avec une guitare qu'il avait achetée à $50 quand il était gamin. Si vous regardez ses premiers concerts, il a cette guitare qui a été rafistolée avec du bois de cagette, vraisemblablement. On est sur du super low cost, mais ça marche hyper bien. Et donc on va finir cette chronique Mac DeMarco avec un dernier morceau qui vient de son dernier album. C'est du guitare-voix tout simple, ça s'appelle Kay. C'est en hommage à sa copine avec qui il est depuis 15 ans, qu'on entend parfois parler sur ses albums en arrière-plan, enfin voilà. On se laisse sur la chronique Mac DeMarco avec Kay, qui est tout en douceur, et après, on revient pour quelques conneries. As the years blow by, baby, the more I come to know myself, the more it seems my love grows for you. Surely I'd be dead, had I gone with someone else, for this and more my love's owed to you. okay. Anytime it feels as though my love has gone away. Okay. Settle down, turn around, take this song and let it play. Got to know your heart, baby. Still so much for me to learn. And as I do, my love stays with you. Surely I'd be dumb, baby, had I made another turn. Glad the turn that I made was you. Okay. Anytime it feels as though my love has gone away. Okay. Settle down, turn around, take this song, let it play. Okay. Anytime it feels as though my love has gone away. Okay. Settle down, turn around, and take this song, let it play. Bonjour. Guten Tag. Buongiorno. Hola. Good morning. J'en veux plus de rester chez moi. Voilà, c'était Mac DeMarco avec le morceau K, juste un K, voilà. Voilà, quand j'écoute Mac DeMarco, plus j'écoute sa musique, plus je me dis que s'il y a bien des musiciens dont il faudra se souvenir dans 20-30 ans, c'est ce genre de mecs qui sont pionniers dans le « je fais tout seul chez moi ». Ça sonne peut-être comme une couille, mais à partir du moment où il y a l'émotion qui est là, et ben, il se passe quelque chose. Et moi, c'est ce qui m'a vachement fait changer ma façon de faire de la musique, d'enregistrer et de composer notamment, je dois dire, en se focalisant sur l'émotion, parce qu'après tout, c'est ça qu'on a tous en commun, les auditeurs et les musiciens. Donc, le technique, finalement, est-ce que c'est pas accessoire ? Voilà, pour conclure cette chronique Mac DeMarco. Je vous le ressortirai, ça, finalement, le technique, est-ce que c'est pas un peu accessoire quand vous prendrez la tête sur des trucs techniques en musique ? Je le ressortirai. Moi j'ai une question. Est-ce ouais. que Mac DeMarco a un lien avec Polo & Pan ? Ça ferait Mac DeMarco, Polo & Pan. Quoi ? Qu'attends ? Mais attends, j'ai pas le jeu de mots, j'ai pas le jeu de mots. Attends, tu l'as toi ? Non. Marco Polo. Oh putain ! C'est rude ! Ah, il était compliqué celui-là, hein. fallait le trouver. Ah, non, hein. Il est presque 11h, hein. Ouais, non, mais c'est ça, on sent que vous avez été drainé. Ah, Madame Mona avait compris votre blague, hein. Eh ben, je la remercie. Ouais. Merci, Mona. Vous aviez un petit rêve, peut-être, Damien, à nous raconter ? Un souvenir nocturne, quel qu'il soit. Non. Que les draps s'en souviennent, comme dirait l'adage. Non, alors, voici, j'ai un souvenir. Donc, c'est pas d'hier soir, hein, c'est de la semaine dernière. Donc, en gros, j'étais dans une ambiance survivaliste zombie, hein, on va dire que le contexte a un peu influencé. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvé dans un espèce de bus, avion, je sais pas trop. Et peut-être un Airbus. tout à fait. Et du coup, en fait, à un moment donné, le bus n'avance plus. Et en fait, là, il y a alors je sais plus qui. C'est une actrice, je sais plus, mais qui vient m'engueuler. Et du coup, moi, je me vexe de ouf. Et je me dis, bah, c'est pas grave, je vais aller conduire le bus pour nous sortir de là. Et là, il y a George Clooney et Brad Pitt qui me font « Vas-y, vieux. Confiance. » Voilà. J'ai le sentiment que vous n'avez pas de problème d'estime, vous. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que j'y peux, quoi. J'ai une relation mentale avec George et Brad, voilà, quoi. Mais ça fait plaisir à voir autant de confiance en soi, mon cher Doug, et c'est bien pour ça que nous avons voulu que vous veniez dans notre émission. Et ce que j'arrête pas à raconter, c'est qu'au bout de 50 mètres, le bus s'est renversé. Et Georges et Brad, qu'est-ce qu'ils vous ont dit du coup? Ils étaient plus là. Pas folle la guêpe. Ah ouais, d'accord, donc vas-y, prends le volant. Et vas-y, Brad, ça te dit, on se casse vite avant qu'il te passe un truc mauvais. Chauffeur de bus, what else? Incroyable. Il est temps pour nous, pourquoi? Alors, dans le programme encore, on arrive sur la fin de l'émission, hein, donc comme d'habitude, tous les jours, Kéman nous raconte les films qu'il a vus. Alors, c'est le moment, avant qu'on fasse un laïus, tout ça, c'est le moment d'ouvrir la page Facebook de la radio des Boncons, d'aller sur le dernier post et d'être prêt à commenter le nom du film en question. Allez sur Facebook, ouvrez la page et nous... Voilà. Si je peux me permettre, moi j'ai eu un message de la direction comme quoi je suis interdit de jouer parce qu'en fait je suis juste trop bon, voilà. Ouais, et puis maintenant vous faites partie de l'émission, hein, donc un petit peu de... pas trop de prosélytisme, hein, parce que bon, ça marche déjà un peu comme ça sur la radio des Boncons, faudrait pas que ce soit la trop... réponse, trop vite. C'est les bronzés 3. Merde. Alors, je rappelle que hier, c'est vous, hein, Doug, qui avez gagné, donc vous avez le droit à faire votre dédicace, en fait. Voilà, je vais pas faire une vraie dédicace, mais plutôt une mise au point. Donc, hier, chers auditeurs, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai subi un peu des attaques ad nominem, comme on dit, de la part de vos deux animateurs du matin. Donc, je voulais juste dire que maintenant que je suis là, l'âge de guerre est enterré. Ah, c'est beau. C'est beau, ça nous touche. Une histoire à la Cendrillon, ça nous émeut tous comme ça. Franchement, je suis ému comme une petite salope. Voilà. Finalement, c'est la Belle et le Clochard. Vous êtes le clochard qui avait rejoint les beaux et c'est magnifique, quoi. Et peut-être qu'un jour, on mangera des spaghettis ensemble et nous tomberons sur un spaghetto que nous n'arriverons pas à départager. Et puis, dans un moment un peu troublant, peut-être que nous nous rapprocherons, nos visages... Non, spaghetti de France. 900 km le spaghetti. Ah ouais, bah là, on est sur un gros spaghetti, hein, comme on dit chez moi. Hein. J'espère que t'as de la succion. Ah, le problème, c'est que si on était tous les deux dans l'émission, on allait forcément faire des blagues de cul un peu lourdingues. On va finir à RTL avec ces conneries, Doug. Ouais, désolé. Alors, j'espère que tout ça, ça vous a laissé le temps d'aller ouvrir votre page Facebook, d'ouvrir la page des bons cons, d'aller sur le dernier post où c'est ma gueule qui dort, pour pouvoir être prêt à commenter le film dont va vous parler Kéman. Écoutez, j'imagine que les gens sont prêts, hein. Ouais, vous êtes prêts? De toute façon, si vous êtes pas prêts, c'est pareil, hein, tant pis pour vous. Voilà, à un moment, les absents ont toujours tort, vous pouvez pas faire comme si... Mais ça fait une semaine qu'on fait l'émission, ça fait une semaine. Vous savez maintenant. Ouais, c'est bon, un moment... Donc, vous arrêtez de nous les briser. Voilà, vous faites un petit réveil, un petit post-it, un petit pense-bête, je sais pas, mais maintenant vous vous dites, Manuel, passe Facebook. Vous le savez, quoi, vous le savez. Non, mais ils sont indisciplinés, ces auditeurs, c'est fatigant, moi ça me saoule. Les bons cons, les gros cons, oui. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, mais déjà 11h et ils me saoulent déjà, moi, perso, j'en peux plus. La journée va être longue. Bon, c'est pas grave, hein, on y va, hein, prêt ou pas prêt, c'est parti. Alors Kéman, racontez-nous, quel film vous avez vu hier? Ça parlait de quoi? Ben ouais, j'ai pas tout compris, hein. J'ai maté un film. C'était un patron de boîte, PME peut-être, je sais plus, enfin voilà, peut-être pas auto-entrepreneur, non, parce qu'il avait des... Il avait une entreprise assez vaste, hein, pas mal de salariés. Et c'était une période un peu trouble de l'histoire. Je sais plus la référence, moi je suis nul en histoire, je capte rien. Bref, c'était compliqué, donc je crois qu'à un moment, il y a un plan de restructuration. Il y a pas mal d'employés qui doivent partir, pas mal d'employés qui doivent se casser. Et je crois que lui, ça lui prend la tête, c'est parce que ça a l'air d'être le patron un peu paternaliste, quoi. Le mec un peu le cœur sur la main, c'est pas Bernard Arnault. On est sur un truc un peu plus, un peu moins LVMH, quoi. Plutôt ma petite entreprise connaît pas la crise, quoi. Alain Bachung et tout. Donc le mec, il y a des gens qui, il y a pas mal de gens qui veulent partir de sa boîte. Oh putain. On a déjà des gens qui ont trouvé, mais je vais continuer parce que bon, si c'est que voilà, hein, si c'est toujours les mêmes qui trouvent, c'est pas voilà. Donc oui, il y a pas mal de gens de sa boîte qui veulent partir. Il y a un plan de restructuration, j'ai l'impression, un plan de licenciement, comme ça se fait beaucoup chez Auchan notamment. Et le mec, il essaye de faire en sorte qu'il reste dans la boîte, qu'il reste à bosser parce que il aime son entreprise, il aime ses employés quoi. Et il y a un moment, ce truc, ça m'a émouvé parce que je me suis dit putain, le mec, y a pas beaucoup de patrons comme ça qui se battent aujourd'hui dans le CAC 40 et tout. Et le mec, à un moment, il regarde la caméra hyper émouvu, il a une larme à l'œil et il fait ah, j'aurais pu en sauver plus. Et ça m'a filé la larme à l'œil. Je me suis dit putain, ça c'est un patron comme on aimerait en avoir quoi. Et en plus, j'aimerais bien avoir Liam Neeson comme patron, je dois dire. J'avoue, j'aimerais bien. Surtout que si tu te fais enlever, il va casser la gueule aux Serbes qui t'ont capturé. Mais ça c'était un autre film. Mais ouais, effectivement, je crois qu'on a déjà un vainqueur. Mais bon, le problème, c'est que les vainqueurs, c'est la patronne de la radio, quoi. Est-ce que on avait dit pas Bondouk parce qu'il participe et maintenant c'est la présidente? Qu'est-ce qu'on fait? Alors si on a un deuxième vainqueur par rapport à ça, peut-être qu'on pourra faire une dédicace parce que la présidente de la radio, bon. Est-ce que je dis le titre du film là parce que... Ah oui, de toute façon, faut pas. Bon, bah c'était. Voilà, c'était la liste de Schindler. Hein, évidemment, vu sous le truchement de quelqu'un qui voit que ce qu'il a envie de voir. Moi, je suis un peu hermétique au racisme en fait, tu vois. La liste de Schindler. Ça, c'est en Bretagne, je crois. Donc voilà, la directrice, encore une fois. C'était donc la liste de Schindler, effectivement. Donc, plan de restructuration, plein de salariés qui partent. Mais lui, il les sauve. Mais bon, on sait très bien que la logique de tout ça, elle est économique et mercantiliste avant tout. Hein. Le mec, faut pas faire... C'est pas un film d'humaniste. Hein. Et quid d'Hitler? Pardon. Alerte. J'avais envie de placer Hitler. Je trouvais qu'on n'avait pas assez parlé de lui, alors que quand on parlait de la liste de Schindler. De manière générale, on n'a pas assez parlé d'Hitler. Je pense qu'on n'a pas assez entendu parler de lui. Il nous manque d'ailleurs, où qu'il soit actuellement. On l'embrasse. J'avais hâte d'avoir un truc avec nous. La radio border. J'avais hâte d'avoir Doug avec nous pour qu'il nous fasse des blagues sur Hitler, il en a pas encore fait, bah je le lance, écoutez Walou, hein, comme on dit. Vous avez vu la réputation que vous avez, Doug, auprès de notre présentatrice vedette? Non mais c'est bien, on a tenu une semaine avant le point Godwin, bravo. Ou alors on peut se dire qu'on a tenu une heure avec vous avant le point Godwin, c'est une façon de voir les choses. Ma perspective est plus flatteuse pour moi. Ouais, c'est pas faux. Non, mais je savais qu'en parlant de la liste de Schindler, je prenais des gros gros risques. Hein. Mais bon, je ne nous voyais pas déraper si facilement. Hein. Heureusement que le CSA s'en bat les couilles de la radio des bons cons. Hein, c'est vrai. On est encore complètement hors des radars. Donc si c'est le moment de faire des blagues racistes, antisémites, sexistes, anti-insectes, anti-fleurs des champs, tout ce que... Antispéciste. Pardon. Voilà. Nous, on est... Bon, allez, on va s'écouter une petite chanson, hein, pour on va se dire au revoir, surtout, non? On a encore des trucs à dire ou quoi? Bah, écoutez... Non, moi, j'ai envie de fumer ma clope, là. Il est 11h05. Je suis fonctionnaire, habituellement, quand je suis pas en chômage technique, donc 11h05, normalement, je suis déjà arrivé chez moi. Écoutez, moi, je voulais vous parler de un petit truc qu'on a maté hier avec Kéman. Qui est vraiment tout doux et vraiment super. Je pense qu'on a le temps d'en dire quelques mots. Après coup, peut-être, je balance un son. Je pense que vous vouliez... tant qu'on déborde, débordons. Alors, vous vouliez faire une annonce personnelle avant de balancer un son. Exactement. Ceci est un message personnel à destination de Ophélie, Hugo, Cola et Louison. Mm-hmm. Vous me devez de la thune, les gars. Yeah, yo. Yeah, yo. Mon la la. Yeah, yo. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Play down, call me all my blood. Pay me what you want it. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. 13 and it's all on me, nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I call the shot, shot, shots. Like blah, blah, blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch, Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Bonjour, on est toujours là, on s'incruste, on s'installe, on squatte votre canapé, on ouvre les paquets de chips, on utilise votre toilette, on nique un rouleau de PQ entier, voilà, nous on est là, encore 10 minutes après, on en a rien à taper, on s'éclate. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est notre émission. Voilà, le bon doux, comment ça se passe, comment ça se danse? Bah ça va très très bien. Hein. Voilà, arrêter de nous envoyer des gifs. Sur le Discord, parce que vous nous faites beaucoup trop rire. C'est-à-dire que en termes d'humour, Douglas, il joue sur deux fronts, c'est-à-dire l'auditif avec le Skype qu'on a avec lui, et sur le Discord, ça gifle, mais de ouf. Eh ouais, je suis multitask. Le don d'ubiquité du bon Doug. Alors, écoutez, avant de se quitter, peut-être des petites recommandations. Doug, est-ce que vous avez quelque chose à nous recommander? Pour passer une bonne journée confinée. Ouais, alors passez une bonne journée, hein, réveillez-vous tranquillement, pensez à faire du sport et aussi restez chez vous. Voilà. Tout à fait. Et peut-être quelque chose à nous conseiller, un livre, un film, une série, quelque chose que vous avez regardé, une radio peut-être, quelque chose que vous avez regardé pendant le confinement? Moi je suis en train de me refaire l'intégrale de Friends, donc je peux pas vraiment vous conseiller de faire ça. Mais sinon, il y a des trucs bien. Il y a un documentaire qui s'appelle Behind the Curve, qui est sur les platistes, et apparemment, c'est de la bombe. Ok, voilà. Écoutez, on regardera ça. Qui est sur quoi? Sur les platistes. En gros, c'est un mec qui fait du Bernard de la Villardière, okay. Chez les platistes américains. Ok. Donc, et apparemment, c'est rigolo, à la fin, il y a vraiment une grosse... un gros retournement de situation. Bah déjà on parle de platiste, hein, donc c'est déjà à la base rigolo. Oui. Ah, moi j'avais compris plaquiste, les mecs qui font qui font de l'enduit et tout là. Putain, je me suis dit, mais c'est chelou ce docu. Non, non, non, on parle bien pour les auditeurs de platistes, hein, les gens qui pensent que la Terre est plate. Mm-hmm. Kéman, un petit livre, une série, un film à nous conseiller, une radio, quelque chose Voilà, bah moi j'ai déjà conseillé pas mal d'albums de Mac DeMarco aujourd'hui. Bah ça peut être ça votre conseil de ouais, bah les conseils c'est Mac DeMarco. Demain on passera sur du Tyler the Creator, donc on ira dans un délire un peu plus hip-hop, mais sinon un petit film. Bon, de toute façon je pense que vu qu'on vit un petit peu ensemble là, en ce moment, Chloé, je pense qu'en termes de films à conseiller, on va être sur la même chose, bah, parce exactement, qu'on a vu un film ouais. Super bien hier soir. Bah, en fait on a vu ce film et on s'est dit direct, faut qu'on en parle à la radio parce qu'il est trop beau. C'est un film qui s'appelle Raoul Taburin a un secret, qui est sorti il y a 2 ans. Avec Monsieur Benoît Poulvorde, qu'on ne présente plus. Ouais. Il y a aussi Édouard Baird et Suzanne Clément dedans. Alors, c'est l'histoire de Raoul Taburin. C'est basé sur une BD de Sempé. Ouais, le petit Nicolas, voilà, si ça vous dit rien, Sempé, voilà, le petit Nicolas, grosse référence. Et c'est un film qui est plein de poésie, qui est tout doux, qui fait vraiment du bien. C'est enfantin, hein, comme le style de Sempé, on retrouve ces codes-là. Hein. Très enfantin, très poétique, et donc bah, c'est l'histoire de Raoul Taburin qui est réparateur de vélo dans son petit village et qui en fait, je sais pas si on peut le dire, mais si, je parce que c'est dit dans la bande annonce. C'est dit assez vite de toute façon. Et en fait, il est réparateur de vélo, mais en fait il ne sait pas faire de vélo. Voilà. Donc c'est vraiment un très beau film, très poétique, très mignon, avec des très super mignon aussi. Acteurs, très mignon, les acteurs sont super bien choisis, vraiment... Bah là Benoît Poulvorde, de toute façon on a commencé avec Ils sont partout dimanche, et ça nous a donné envie de nous refaire toute la filmographie de Benoît Poulvorde parce que c'est un acteur monstrueux en fait. Enfin... Est-ce que vous pouvez juste éviter Astérix aux Jeux Olympiques? Ah putain, il est dedans celui-là. Alors on va éviter ça, et on va aussi éviter Rien à déclarer de Danny Boone. Oh non, bah moi j'étais chaud pour regarder des petites blouses quand même de temps en temps, c'est bon. Il y a Le Boulet aussi qui est quand même voilà, on est sur de la grosse comédie française bien potache hein. Ouais, alors bah écoutez, Raoul Taburin est disponible en ce moment sur OCS. Donc, je crois que tous les abonnés voilà. Orange ont accès à OCS gratos là pendant le confinement. Donc allez-y, regardez-le. On ne peut que vous conseiller de regarder des films de toute façon avec Benoît Poulvorde parce que voilà, on va vous en parler régulièrement, je pense, hein, de Benoît Poulvorde. Bon bah du coup, on se dit au revoir là-dessus. On a bien causé, on a gratté 15 minutes. Ça nous a fait plaisir, Doug, de vous avoir dans l'émission. On vous retrouve demain. Moi aussi. Ouais, pas de soucis. Allez, c'est parti. Bon, on vous envoie les contrats, on va négocier clause salariale, enfin voilà, dans la journée, et puis on se revoit demain, une fois qu'on a bien négocié tout ça. Bah, tu m'envoies un nude, et puis... la chanson de Radiohead, vous voulez dire, c'est ça? Oui, exactement. Ah, pas de soucis, je vous l'envoie tout de suite. Bon. Bah écoutez, bonne journée mondiale de la procrastination à tous, hein, n'en faites pas trop, surtout. Ouais, non, faudrait pas, ce serait con de se blesser en confinement, blandé. Et on va se quitter avec la traditionnelle reprise de Philippe Catherine, Francis et ses peintres, de l'album 52 reprises de l'espace. On se fait un gros béco avec la reprise de Sous le banc. Bisous. Bisous. Bisous. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Et si tu crois que c'est fini? Jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si